العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل معشر الإخوة وأذكر نفسي وإياكم بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله إن المسلمين الأولين كانوا على الإسلام الصحيح قولا وعملا سلوكا وأخلاقا لم يدب فيهم الخلاف العقدي والطائفي ولذلك سموا بالمسلمين تمييزا لهم عن أصحاب الملل الأخرى من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين فكان معنى قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل ينطبق عليهم اسما ومسمى قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا سيرفيتور الله. Sachez que les premiers musulmans étaient sur l'islam authentique, que cela concerne les paroles ou les actes, ou encore le comportement et les transactions avec les autres. En effet, ils n'avaient pas encore été touchés par les divergences dans le dogme et par la division. C'est pour cela qu'on ne leur a pas attribué un autre nom, si ce n'est Al-Muslimun, les musulmans. Et ce, afin de les distinguer à cette époque-là du reste des religions et des tendances parmi les juifs et les chrétiens, les polythéistes et les sabéens. C'est pour cela que la parole d'Allah Jalla wa Ala, dont le sens est « c'est lui qui vous a nommé musulmans auparavant » s'appliquait sur eux, intérieurement et extérieurement. « ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْإِسْلَامِ الَّذِي شَرَأَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مُجَرَّدًا عَنِ الشِّرْكِيَّاتِ وَالْبِدْعِيَّاتِ وَخَالِيًا مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْمُنْكَرَاتِ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْمَنْهَجِ وَالْفَرْعِيَّاتِ فَلَمْ تُوجَدْ مُسَوِّغَاتِ حاجية إلى اتخاذ بديل عن التسمية بالمسلمين لأنهم كانوا يمثلون الإسلام بحق. Ceci car ces premiers suivaient l'islam tel qu'il a été légiféré de la part d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs. Dénués de toute forme de polythéisme ou d'innovation ou de rajout ou de retrait dans la religion, que cela soit dans la croyance ou encore dans la voie à suivre, ou même dans les actes d'adoration. Il n'y avait donc aucune utilité à les nommer avec un autre nom, si ce n'est Al-Muslimun, car ils représentaient l'islam véritablement sous sa forme authentique. لكن بعد ظهور الخلافات العقدية والانحرافات السلوكية بين عموم المسلمين تمخض عنها وجود فرق مختلفة وطوائف عقدية متناحرة من الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم كل منها تدعي الحق وأنها على الهدى والسير على نهج الكتاب والسنة وترمي غيرها بالزيغ والضلال والانحراف عن سواء السبيل مع أنها جميعا داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني. Mais après l'apparition des groupes qui ont commencé à diverger entre eux dans la croyance et dans les agissements, lorsque ces groupes ont commencé à faire leur apparition au sein des musulmans, au sein de la communauté musulmane, cela a donné naissance à des groupes, à différents groupes, tous en divergence les uns avec les autres, se combattant les uns les autres, tels que le Khawarij, le Shi'a, ou bien le Qadariya, ou bien le Jahmiya, ou bien le Mu'tazila, ou bien l'Ash'ariya, et d'autres parmi les groupes qui sont nés. Et chacun de ces groupes prétendait être sur la vérité. Et chacun de ces groupes prétendait marcher sur la voie du livre de la Sunna. Et chacun de ces groupes traitait les autres comme étant des égarés. Alors que tous étaient concernés par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté se divisera en 73 groupes, tous iront en enfer sauf une seule, laquelle, ô messager d'Allah, ceux qui seront sur ce sur quoi je suis moi aujourd'hui, et mes compagnons rapportés par Tabarani et authentifiés par l'Albani. وانظر يا أخي المسلم كيف أنه صلى الله عليه وسلم علق عن الفرقة الناجية من النار بالوصف دون الموصوف، فوضح بجوابه أن النجاة إنما تعم كل من اتصف بأوصاف الفرقة الناجية إلى قيام الساعة، وليست قاصرة الاختصاص بمن تقدم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، رواه البخاري ومسلم. شيخ خير مسلمان observe avec moi comment est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu à cette question, qui est le groupe sauvé. Il n'a pas répondu en citant des noms précis ou une génération précise. Plutôt, il a répondu en donnant la description des gens qui seront sauvés, en disant que ce sont ceux qui suivront à l'exactitude ma croyance et mes actes, ainsi que ceux de mes compagnons. Donc, le sauvetage est pour toute personne ayant ces descriptions-là et ces caractéristiques-là. Et cela ne concerne pas une époque bien précise ou un groupe de personnes bien précis. Et ce, jusqu'à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il restera toujours un groupe de ma communauté qui s'occupera correctement de la religion d'Allah. Ni ceux qui cherchent à les trahir, ni ceux qui cherchent à les contredire, ne leur feront de mal jusqu'à ce que l'ordre d'Allah survienne, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. ومن هذا يا إخواني الكرام يتبين بوضوح أن كل متأخر عن الحقبة الزمنية المختصة بأهل القرون المفضلة في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهي زمن السلف الصالح، فكل من تأخر عنهم والتزم مذهبهم ومنهجهم في الاعتقاد والعمل الفقهي يكون سلفيا، ويطلق عليه هذه التسمية لالتزامه بالسلف الصالح، ويطلق عليه سني من أهل السنة والجماعة لالتزامه بالسنة واجتنابه للبدعة. Chers frères musulmans, nous voyons à travers cela, ou nous concluons à partir de ça, clairement que toute personne qui est arrivée après l'époque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, ou plutôt après les trois meilleures époques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith, les meilleurs gens sont ceux de ma génération, ensuite les deux qui les suivent, qui sont les pieux prédécesseurs, toute personne ayant vécu après cette époque-là et les ont suivis, et les ayant suivis dans leurs croyances et leurs actes à la trace, eh bien toute personne les ayant suivis dans la croyance et la manière de faire est une personne qui est considérée comme étant une suiveuse ou un suiveur des pieux prédécesseurs, salafiyyan. Et on le nomme ainsi car il suit ses pieux prédécesseurs, car il suit Salaf al-Saleh. Et également, il est nommé sunnite. Pourquoi ? Car il suit les gens de la sunna et du groupe, et il s'accroche à la sunna, et il délaisse toute forme d'innovation. وَكُلُّ مَنْ إِلْتَزَمَ مَذْهَبَ السَّلَفِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَثَرِي أي من أهل الحديث والأثر لاعتنائه بالحديث النبوي علما وعملا وسلوكا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واشتغالا بآثار الصحابة رضي الله عنهم. Également toute personne qui suit les plus prédécesseurs est nommée Athari, suiveur des textes. Pourquoi? Car toute personne qui suit les premiers à la trace se doit de donner de l'importance aux textes, aux hadiths prophétiques, que cela concerne les actes ou les paroles ou le comportement, car il suit à la trace la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela soit dans son intérieur, sa manière d'être intérieur, ou encore dans son apparence extérieure. كما يوصف السائر على مذهب السلف الصالحين بأنه الغريب لأنه يصلح إذا فسد الناس لقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال أيضا هم أناس صالحون في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Également celui qui suit les plus prédécesseurs est nommé également en religion comme étant l'étrange ou l'étranger, tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Et les sahaba lui ont répondu, qui sont donc les étrangers au messager d'Allah? Et il répondit, ce sont un groupe de personnes en toute époque et en tout lieu qui cherchent à se réformer et à se mettre dans la droiture pendant que le reste des gens sont corrompus et s'égarent. Dans une autre version du hadith, il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, les étrangers, ce sont un petit groupe de gens pieux qui se trouvent en général dans un peuple égaré et corrompu. Donc ce sont toujours des minorités en fait, sur la droiture. وَإِنَّمَا يَصْلُحُ الْمُسْلِمُ السَّلَفِيُّ الْغَرِيبُ السُّنِّيُّ لِأَنَّهُ اتَّصَفَ بِالْوَصْفِ الْمُعَيَّنِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِي قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. Et le musulman, le suiveur des pieux prédécesseurs, l'étranger, le sunnite, n'est sauvé et ne se rectifie et ne se réforme qu'en se parant des caractéristiques des premiers, à savoir ce à quoi fait référence la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Et c'est ça qui les réformera à la fin des temps, et c'est ça qui fera d'eux des étrangers. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، والتسمية بالسلفية لا تضاد التسميات الأخرى ولا تخالفها، كتسمية أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية وأنصار السنة، لأن ذلك من اختلاف التنوع والمعنى واحد، وهو التمسك بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. الفيت de nommer la prêche des premiers comme étant la salafia ne contredit en rien les autres noms connus parmi les noms du groupe sauvé, tels que Ahl-Sunnah al-Jama'ah, les gens de la Sunnah du groupe, ou encore Al-Firqa al-Najiyah, le groupe sauvé, ou encore Ansar al-Sunnah, les gens qui mettent en avant la Sunnah qui la font triompher. Car tous ces noms ne font allusion en vérité qu'à un seul groupe et une seule réalité, et n'ont un seul sens. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا وأحزابا وكفر بعضهم بعضا وصاروا أعداء وفرقا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الطائفة إلا الفرقة الواحدة الناجية وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وحافظ بن رجب رحمه الله a dit, quant aux ambiguïtés et aux divergences au sein de la communauté, eh bien c'est ça qui a causé la division de celle-ci en groupes et en sectes, et qui a semé la corruption entre eux et la zizanie. Et c'est ça qui les a fait passer de l'état où ils étaient unis tous, tel un seul cœur, tel une seule personne, et qui les a rendus aussi divisés et aussi haineux les uns envers les autres. Et le seul groupe qui a été sauvé de cela, c'est celui qui est cité dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, restera toujours un groupe de ma communauté apparent sur la vérité, ni ceux qui les trahissent, ni ceux qui les contredisent ne leur feront de mal, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah survienne. وقال ابن رجب أيضا وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن وهم النزاع من القبائل لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد كما كان الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك انتهى كلامه رحمه الله. Ibn Rajab a également dit, et les suiveurs de la sunna, ou plutôt le groupe sauvé et les étrangers, ce sont ceux, ou plutôt les suiveurs de la sunna, ce sont les étrangers qui sont cités dans les hadith suivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les concernant, ce sont un groupe de personnes qui se réforment lorsque les gens s'égarent et se corrompent. Il a également dit, ce sont un groupe de personnes qui fait revivre la sunna après que les gens l'aient effacé, il les fait mourir. Il a également dit, alayhi salatu wassalam, ce sont un groupe de personnes qui se sauvent avec leur religion, après que après que les troubles soient apparus. Et il a également dit, alayhi salatu wassalam, ce sont an-nuzaa'u min al-qaba'il, ce sont les minorités des peuples. Et al-Hafidh Ibn Rajab il dit, tout simplement car les suiveurs de la sunna sont en général une minorité parmi leur peuple, à tel point que dans chaque peuple, il n'en a parfois pas plus que un ou deux, voire pas du tout. Tout comme les premiers entrants en islam étaient minoritaires également. Fin de citation. Wa qala al-imam al-Awza'i rahimahullah fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam فطوبى للغرباء قال أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا الرجل الواحد. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. الإمام الأوزاعي رحمه الله dit concernant ce hadith de l'étranger, il dit, n'est-ce pas que c'est pas l'islam qui va disparaître de la terre, ce n'est pas l'islam qui va disparaître de la terre, mais ce sont plutôt les suiveurs de l'islam authentique, les gens de la sunna, qui vont disparaître de la terre, à tel point que dans un pays entier, il n'en restera peut-être plus qu'un seul à une époque. Et le Hassan al-Basri, rahmallah, a également dit, « Oh, vous les gens de la sunna, soyez doux entre vous et faites-vous miséricorde, car vous êtes une minorité parmi les gens. » Wa qala Yunus ibn Ubaydin, rahmallah, « Laysa shay'un aghraba min as-sunna, wa aghraba minha man ya'rifuha. » وأغرب منها من يعرفها. Également Younous ibn Ubayd, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il n'y a rien de plus étrange que la sunna, et plus étrange qu'elle est celui qui la connaît. وروي عن Younous ibn Ubayd أيضا أنه قال أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا وأغرب منه من يعرفها. وقال سفيان الثوري رحمه الله استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. Également il a été rapporté de Younous ibn Ubayd, encore une fois, qu'il a dit, celui qui apprend sunna à l'heure actuelle est devenu étrange et bizarre, et plus étrange que lui est celui qui l'enseigne et qui la transmet aux gens. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il a dit, prenez soin et soyez doux envers les gens de la sunna, car ce sont des étrangers. Et ce qui est voulu dans les paroles de ces imams-là, par la sunna, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, que cela soit dans la croyance ou dans les actes, et qui est dénué de toute ambiguïté et de tout rajout dans la religion. « Thumma sarat fi urfi kathirin min al-ulama al-muta'akhirin anna sunna ibaratun amma salima min al-shubuhat » في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وأما السنة كاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وعزتهم. Ensuite, à l'heure actuelle, la sunna est devenue dans le langage de la plupart des savants comme étant la voie qui est saine et qui est préservée de toute ambiguïté dans les croyances et les actes. Surtout concernant la foi. Surtout concernant les piliers de la foi. هذا وللسلفية ألقاب وأسماء يعرفون بها تنصب على معنى واحد فهي تتفق ولا تختلف. قال عنها بعض العلماء إنها ألقاب منها ما ثبت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتمييز عنهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء تميزوا بهدي السلف. Nous voyons qu'à chaque époque les gens de la sunna avaient un nom bien précis. Et tous ces noms-là n'ont qu'un seul sens, à savoir le suivi de la voie exacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit que certains de ces noms-là sont tirés de textes authentiques et d'autres par rapport à la situation. Ils disent à titre d'exemple que lorsque l'innovation est apparue, Les gens de la Sunna se sont distingués en se nommant les gens de la Sunna. Et lorsque les gens de l'innovation ont commencé à utiliser leur raison et leur logique dans la religion, les gens de la Sunna se sont distingués par le titre des suiveurs du hadith et des textes des salafs. Et lorsque les passions se sont propagées, ils se sont mis en avant en se proclamant suiveurs de la guidée des premiers. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك بن أنس بن مالك وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ابنه الإمام مالك أو لما سئل الإمام مالك من هم أهل السنة أجاب رحمه الله وهو في زمن لم تكثر فيه الفرقة ولم يحتج أهل السنة بعد إلى أن يتسموا باسم خاص لما سئل رحمه الله من هم أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي ومراده رحمه الله أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبقوا متمسكين بوصيته صلى الله عليه وسلم من غير انتساب إلى شخص أو جماعة ومن هنا يدرك أن سبب هذه التسمية وهي السلفية إنما نشأت بعد الفتنة بعد ظهور الفرق الدينية. Et c'est pour cela que lorsque l'imam Malik rahimahullah a été questionné à son époque, à une époque où la communauté ne s'était pas encore divisée à un tel point que les gens de la Sunna avaient besoin de se distinguer des groupes innovateurs, lorsqu'il a été questionné rahimahullah, qui sont les gens de la Sunna ? Il a répondu, les gens de la Sunna, ce sont ceux qui n'ont pas de nom spécifique qui les distingue. Ils ne sont ni jahmites, ni qadari, ni rafidi. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que ce groupe-là, c'est celui que vous voyez encore accroché au texte, sans rajout ni retrait. وهذا وبهذا يعلم أن السلفية نسبة إلى السلف الصالح في اصطلاح وهي اصطلاح جامع لمعاني متكاملة تدل على منهج السلف في تلقي الإسلام وفهمه وسلامة العقيدة واتباع التشريع. À partir de ça, on conclut que السلفية n'est rien d'autre qu'une affiliation à la voie des premiers de cette communauté. Que cela soit dans la manière de réceptionner l'islam, ou de le comprendre, ou de l'appliquer, que cela soit dans la croyance ou les actes. وَلَمَّا انْتَسَبَ الطَّوَائِفُ الْمُنْحَرِفَةِ إِلَى مُصْطَلَحِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بَاتَ ضَرُورِيًا الْعُدُولُ عَنْ هَذَا الْمُصْطَلَحِ إِلَى التَّسْمِيَةِ بِالسَّلَفِيَّةِ مَنْعًا لَهُمْ مِنْ اتِّخَاذِ مَذْهَبِ السَّلَفِ شِعَارًا لَهُمْ. Après que les groupes égarés ont commencé à s'affilier aux gens de la Sunna et du groupe, les gens de la Sunna se sont retrouvés dans la nécessité de se donner un nom que les gens de l'égarement ne s'attribuent pas, afin qu'ils ne profitent pas de la situation, qu'ils se fassent passer pour des suiveurs des salafs alors qu'ils ne le sont pas. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما المشهورين من الطوائف العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض والسني عندهم من لا يكون رافضيا وذلك لأنهم أكثر مخالفة للحديث للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, les plus grands groupes d'innovateurs qui se proclament comme étant les gens de la Sunna ne sont en vérité pas suiveurs des pieux prédécesseurs. À titre d'exemple, le groupe le plus connu comme étant un groupe d'innovation, c'est les Rawafid, les chiites Rawafid. À tel point que les gens ne connaissent en dehors des sunnites que les chiites. À tel point que les gens de la masse ne connaissent parmi autres que les sunnites, que les chiites, et aucun autre groupe. Tout simplement parce que ce groupe-là, c'est le groupe qui contredit le plus les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le groupe qui contredit le plus l'essence du Coran. Et c'est le groupe qui critique le plus les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses. Et c'est le groupe qui attaque le plus les autres groupes musulmans. Alors, puisque ce groupe, c'est le plus lointain de la voie des pieux prédécesseurs et qu'il le laisse le plus apparaître, c'est donc le groupe qui a été le plus connu pour ne pas être sunnite. Et enfin, في هذه الآونة الأخيرة يتعرض الإسلام عموما والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام، والتي تقف الصهيونية وراءهم ويقف معهم من تأثر بهم، مع أن الدعوة السلفية أبعد ما يكون عن التبديع والتكفير والتفسيق بغير دليل، وهي أبعد ما يكون عن الغلو والتطرف والإرهاب والتفجير والاغتيال الذي تقوم به بعض الفرق الضالة الخطيرة كالخوارج المنتسبين إلى السلفية كذبا وزورا. Ces derniers temps, il y a une mauvaise étiquette qui a été collée à l'islam de manière générale et à la prêche des pieux prédécesseurs de manière précise, afin de faire un retournement de situation et de salir son image de la part de certains politiciens ou encore certains écrivains et certains journalistes parmi les ennemis de l'islam. Alors que la prêche salafie, c'est ce qu'il y a de plus loin, c'est la plus lointaine du takfir, c'est-à-dire du fait de considérer un musulman comme n'étant pas musulman, ou du tabdir comme n'étant pas sunni, ou du tafsir comme étant pervers et grand désobéissant, et ce sans preuve. Et ce sans preuve. Et la salafia, c'est ce qu'il y a de plus lointain de ce que certains groupes égarés font, tels que Al-Khawarij, qui s'affilient à la salafia par mensonge, et qui font ce qu'on appelle des attentats suicides, hein, les attentats et les prises d'otages. Et l'extrémisme, salafia, elle est loin de tout ça, et elle met en garde contre tout cela. فَأُلْسِقَ بِهَذِهِ الدَّعْوَ الْمُبَارَكَةِ مَا لَيْسَ فِيهَا وَنُسِبَ إِلَيْهَا مَا لَيْسَ عَلَى مِنْهَاجِهَا مِمَّا شَوَّهَا جَمَالَهَا وَغَيَّرَ حَقِيقَتَهَا وَنَفَّرَ مِنْهَا وَزَهَّدَ النَّاسَ فِيهَا. Et toutes ces choses ont fait fuir les gens de cette prêche bénite, et a sali son image, hein, et a retourné son sens. فَعَلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أن نتعلم عقيدة سلفنا الصالح وأعمالهم وأقوالهم، وأن نتأسى بهم، وأن نكون سنيين سلفيين حقا، وأن نحذر من الفرق الضالة المنحرفة الخطيرة. Chers musulmans, nous devons donc d'apprendre la croyance de nos pieux prédécesseurs, d'apprendre leur manière de faire et leurs paroles afin de les prendre comme exemple, afin d'être vraiment sunnites, afin d'être vraiment salafis comme il se doit, et afin de prendre garde aux groupes égarés et aux groupes dangereux et qui sont complètement à côté de la voie des pieux prédécesseurs. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar.